صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن شرع لنا عبادات نتقرب بها إليه تبارك وتعالى وأعظم ما نتقرب به إلى الله تبارك وتعالى توحيده وإخلاص الدين له جل وعلا فما أوجدنا ربنا سبحانه وتعالى إلا لذلك فقال جل وعلا في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ثم بعد ذلك إقام الصلاة فهو ركن الثاني من أركان الإسلام خمس مرات في اليوم والليلة صلة وثيقة بين العبد وربه تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقم الصلاة لذكري ثم بعد ذلك إيتاء الزكاة وهو الركن الثالث من أركان الإسلام وهو حق المال وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذه الأمور حيث قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة Après avoir loué Allah tabaraka wa ta'ala et prié sur son noble prophète et messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on se doit d'être des serviteurs reconnaissants envers notre Seigneur bienfaisant du fait qu'il nous a légiféré et il nous a rendu obligatoires ceux qui nous rapprochent de lui, ceux qui causent son agrément. Ceux qui causent la joie du croyant dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et ce lien qu'il y a entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala à travers lequel il y a la satisfaction d'Allah, son agrément et la grande récompense qu'il accorde aux croyants n'est autre qu'adorer Allah seul d'un culte sincère. La plus grande adoration par laquelle tu te rapproches d'Allah, c'est l'ikhlas, c'est la sincérité, c'est tawhid. Et Allah dans le Coran nous montre que c'est la cause de notre création. Lorsqu'il nous dit sur la traduction des sens, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je n'attends pas de ma subsistance, ni qu'ils me nourrissent. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés donc pour ce but, adorer Allah seul d'un culte sincère. Et après cela, la plus grande adoration qui nous a été légiférée pour nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala est l'accomplissement de la prière 5 fois par jour. C'est un lien solide entre le serviteur et son Seigneur. C'est la cause de son entrée au paradis, la preuve de son islam. C'est une protection contre l'enfer et c'est une purification des péchés. C'est une lumière dans ce bas monde et dans l'au-delà pour le croyant. Et c'est une préservation contre le châtiment. Puis, parmi les grands bienfaits d'Allah, le fait qu'il nous ait légiféré, nous ait rendu obligatoire, le fait de s'acquitter de la zakat. Et c'est le troisième pilier de l'islam. C'est le droit sur l'argent, sur les biens et les richesses. Une partie suffisante pour être utile aux pauvres, mais pas trop conséquente pour ne pas être lourd sur le riche. Ainsi, le serviteur dépense de ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité. Avec cela, Allah purifie ses richesses et lui augmente. Il bénit ses richesses et les lui augmente. Et ces 3 points ont été unis dans le verset de Suratul Bayyinah. Il ne leur a cependant été ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat. Voici la religion droite. Voici la religion droite. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré pour nous rapprocher de lui et comme chemin à emprunter pour avoir son agrément, As-Siyam, As-Sawm, le jeûne. Et tout comme il nous a rendu obligatoire le mois de Ramadan en matière de jeûne, il nous a aussi légiféré pour qu'on se rapproche davantage de lui le fait de faire suivre cela de 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. 6 jours de jeûne du mois de Shawwal. Dans le hadith de Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان celui qui jeûne le mois de Ramadan ثم أتبعه ستا من شوال puis qui fait suivre cela de 6 jours de شوال c'est-à-dire il jeûne le mois de Ramadan puis il jeûne 6 jours du mois de شوال كان كصيام الدهر cela lui vaudra le jeûne d'une année complète. Dans l'autre version, on nous explique ce que signifie Ad-Dahr. Est-ce que c'est la vie ou est-ce que c'est l'année? C'est l'année, comme l'explique Ibn Hajar, et l'imam al-Nawawi et d'autres rahmatullahi alayhima. Avec une autre version du hadith, Al-Hasanatu bi'ashri amthaliha. Chaque récompense, na'am, sera donnée avec 10 fois son équivalent. Donc en jeûnant un mois, ça équivaut à environ 300 jours. Et en jeûnant 6 jours de Shawwal, multiplié par 10, ça fait 60. Donc 360, c'est une année. Na'am, ça fait une année lunaire. Donc la personne qui jeûne Ramadan et qui jeûne 6 jours dans le mois de Shawwal, peu importe les jours, au début, au milieu, à la fin, en les faisant se suivre, en les séparant, peu importe, 6 jours dans le mois de Shawwal, afwan, il aura cette récompense-là. Il aura la récompense d'avoir jeûné toute l'année. Que dire alors de celui qui fait cela chaque année? Chaque année, il jeûne Ramadan et il ajoute 6 jours. Combien de hasanat? Combien de siyam? Combien de récompenses avec lesquelles il viendra chez Allah subhanahu wa ta'ala? Ça, c'est sans compter ceux à qui Allah azza wa jalla accorde encore plus de réussite. Et qui jeûne Ramadan plus les 6 jours plus par exemple Ashur ou Atasur qui jeûne le jour de Ashur au sujet duquel le prophète alayhi salatu wa salam dit qu'il efface les péchés de l'année passée, ça efface une année de péché. Na'am, quelle récompense peut espérer ce serviteur? Que dire alors si on ajoute ce à qui Allah azza wa jalla a ajouté réussite et tawfiq et qui jeûne en plus de ça le jour de Arafah, pour ceux qui ne sont pas au Hajj. Le prophète alayhi salatu wa salam nous montre qu'en plus d'effacer les péchés de l'année passée, ça efface les péchés de l'année à venir, donc 2 années. Na'am. Cela est sans compter ceux à qui Allah azza wa jalla accorde encore plus, et qui jeûne 3 jours par mois, ou les jours de pleine lune, 3 jours par mois également. Plus encore, le lundi, plus encore le jeudi, wahakala. Ces gens-là vont arriver chez Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, avec des montagnes de hasanat. Avec des montagnes de hasanat. Et on connaît les mérites du jeûne de Ramadan. Na'am, le paradis, l'effacement des péchés, le fait d'être affranchi de l'enfer, préservé de l'enfer. Na'am, entrer par la porte du paradis raya, et j'en passe. Que dire alors de celui qui a réuni ses bienfaits? Nourun ala nour. Na'am, cela ne fait qu'augmenter sa grande place chez Allah subhanahu wa ta'ala, ses grandes récompenses et ce qu'Allah azza wa jalla lui a préparé. Donc, il nous faut, après le mois de Ramadan, établir une constance et chercher l'aide chez Allah tabaraka wa ta'ala pour cela. Et une des plus grandes leçons à tirer du mois de Ramadan et avec lesquelles nous devons sortir, c'est al-istiqama, la droiture dans la religion, la droiture dans la religiosité de la personne, c'est-à-dire qu'elle préserve les limites d'Allah Azza wa Jalla. Où Allah veut la voir, il la voit. Où Allah ne veut pas la voir, il ne la voit pas. Ce qu'Allah veut l'entendre dire, elle le dit, et ainsi de suite. Il préserve ses salats en groupe, au masjid. Na'am. Il sort az-zakat, il préserve sa langue de mauvaises paroles, ses mains de mauvaises actions, ses pieds de se rendre dans de mauvais endroits. Après le mois de Ramadan, il sort ainsi réformé, corrigé, allégé de péché. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun wa lahum yahzanun » Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et emprunté la droiture, ces gens-là n'auront ni crainte ni tristesse. Ni crainte ni tristesse. Dans l'autre verset, fastaqim kama umirt, observe la droiture comme cela t'a été commandé. Ça, c'est un ordre à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa communauté suisse. Et dans l'autre verset, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وابشر بالجنة التي كنتم توعدون الآيات. Ceux qui ont dit Allah est notre Seigneur et ont observé la droiture, les anges descendent sur eux successivement pour leur dire n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes et recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis, jusqu'à la fin des versets. Donc le serviteur ne délaisse pas l'effort ni l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il se rappelle la vie rempli d'adoration du prophète alayhi salatu wassalam, car c'est son exemple, car c'est son exemple, et car c'est son messager, c'est son prophète, c'est son bien-aimé, c'est celui duquel il suit la guidée. Et la guidée du prophète alayhi salatu wassalam, c'est la régularité et la constance dans l'adoration. L'action que le prophète alayhi salatu wassalam aimait le plus, c'est celle qui était constante, même si elle était peu. Donc sois régulier dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal après le mois de Ramadan. Jeûne les 6 jours du mois de Shawwal, si cela t'est possible à travers ta santé et autres. Na'am. Puis après cela, jeûne ce qu'Allah Azza wa Jal t'aura facilité de temps à autre. Wa billahi at-tawfiq. Et parmi les plus grandes adorations qu'Allah Azza wa Jal nous a légiféré pour nous rapprocher de lui, il y a al-hajj, le pèlerinage. Ruknun azim min arkan al-islam min khamsa. Un très grand pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Et une adoration dont les mérites et les bienfaits ne sont connus qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, tellement ils sont nombreux et très conséquents. Et parmi ces grands bienfaits, l'effacement des péchés et le fait de revenir comme le jour où la mère a mis au monde son enfant. Parmi ses bienfaits, le fait d'entrer au paradis. Parmi ses bienfaits, un nombre incalculable de hasanat. Parmi ses bienfaits, une élévation près d'Allah Azza wa Jal et un effacement des péchés. Chaque pas que fait le pèlerin, chaque pas que fait sa monture, parce à travers cela, on l'élève d'un degré et on lui efface des péchés. Subhanallah. Yani, combien de milliers de kilomètres sont franchis lorsque la personne quitte son pays pour aller au hajj? Une fois dans la vie, après avoir atteint la puberté, c'est une obligation pour le croyant et de répéter ce voyage-là et recommander. Ainsi, Allah Azza wa Jal efface la pauvreté de la personne et ses péchés s'il fait suivre le pèlerinage de la Umra, puis la Umra du pèlerinage, wa hakadha kama ja'a fil hadith. Wa inna من أهم تلكم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى مولاه عز وجل طالب العلم الشرعي المستفاد من الكتاب القرآن الكريم والسنة سنة سيد المرسلين عليه الصلاة وأزكى التسليم. Et parmi les plus grandes adorations qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal, qui sont aimées auprès de notre Seigneur Azza wa Jal, il y a l'étude de la science, l'apprentissage. Car la mise en pratique de ces adorations et le caractère droit et accepté de ces adorations chez Allah, en réalité, est rattaché à la façon de l'application de ces actions et de ces ordres et de ces adorations. Comment est-ce que tu vas savoir comment adorer Allah? Comment faire le wudu? Comment prier? Comment jeûner? Comment sortir la zakat? Qui? Comment? À qui? Comment est-ce que tu vas savoir tout cela? Comment jeûner? Ce qui annule le jeûne? Comment accomplir le pèlerinage? Et ainsi de suite. Tout cela requiert la science et nécessite de ta personne l'étude de la science. C'est pour cela que la science a la plus grande valeur en islam. Car l'islam n'est pas qu'une religion d'adoration, c'est une religion de science et de connaissance également. Allah nous dit dans le Coran, wa qur rabbi zidni ilma, et dit, ô mon Seigneur, accrois ma science, augmente mes connaissances. Il nous dit également, qul man qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Seuls les gens doués d'intelligence se rappellent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Les seuls à véritablement craindre Allah, ce sont les saints. Quant au prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'étude de la science, c'est une obligation pour chaque musulman. Il nous dit également, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin à la recherche de la science, par ce chemin-là, Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Allah lui facilite un chemin vers le paradis. Et le fait que tu cherches la science et que tu fasses des efforts dans la science, sache que c'est un signe qu'Allah t'a aimé et a voulu ton bien. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, man yuridillahu bihi khayra yufaqihu fiddin. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans la religion. Il lui fait comprendre la religion. C'est pour cela qu'on s'assoit dans ses assises et c'est pour cela qu'on recherche la science et c'est pour cela qu'on voyage et qu'on essaye de rencontrer les savants et de tirer des leçons, na'am, et de prendre de leur sagesse, de leurs enseignements, de leurs conseils, na'am. Wa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yahfazahum wa an yuwaffiqahum wa an yarhamahum wa أن يعيننا على الاستفادة من علومهم وحكمهم. On demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter l'accès à la science, à nos savants et tirer des leçons de leur science, de leur connaissance. وإني في مقام هذا أذكر نفسي وإخواني الكرام ببعض أحكام الصلاة. ببعض أحكام الصلاة التي هي ركن الثاني من أركان الإسلام. Et dans cette assise, nous allons nous rappeler certaines règles relatives à la prière. Cette prière qui est le second pilier de l'islam. Ceci car nombreuses sont les questions, na'am, sur la salat, sur les erreurs commises dans la salat, et sur la manière de corriger la salat, et sur le sujoud sahou de la salat. Toutes ces questions reviennent très régulièrement. Et d'avoir cette connaissance est une obligation. De savoir comment prier, quelles sont les obligations, quels sont les piliers. Comment faire si on se trompe dans la salat et ainsi de suite. Ça c'est une science qu'il n'est pas permis aux croyants d'ignorer. Et Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala a un écrit qui s'intitule شروط الصلاة وأركانها واجباتها. Les piliers de la prière, c'est les conditions de la prière, ses piliers et ses obligations. Naam. Et dans ce noble épître, il a réuni donc ce qui a été cité dans le titre. Rahmatullahi alayhi. Et le croyant se doit d'apprendre ce avec quoi il va adorer Allah au quotidien. Il doit commencer par les sciences qui lui sont obligatoires. La bonne croyance, la purification de la croyance, la connaissance du prophète alayhi salatu wa salam, la connaissance de la purification, la connaissance de la salat, s'il a des moyens, la connaissance de la zakat, la connaissance du jeûne, s'il a la capacité, la connaissance du hajj, les nobles caractères envers ses parents, envers ses enfants, femmes, voisins, wa hakala. Le musulman, il apprend ce avec quoi il adore Allah au quotidien. S'il a rempli cela, alors il apprend d'autres sciences qui lui sont recommandées. Mais il ne lui appartient pas d'ignorer ce qui lui est obligatoire au quotidien. Ce qui lui est obligatoire au quotidien. Dans combien, combien de fois nous voyons une personne prier, elle ne store pas sa awar, elle ne cache pas ses parties intimes. ou elle a un vêtement qui dessine sa awra. Ou bien on voit une personne faire un sujoud, mais son nez ne touche pas le sol. Elle pose que le front. Ou bien on voit une personne faire le wudu, mais quand elle lave le bras, elle ne lave pas la main. Ou bien lorsqu'elle lave le bras, elle ne lave pas le coude. Naam. Ou bien elle récite le Fatiha, et il y a des fautes dans le Fatiha. Ou bien lorsqu'il se trompe, il descend en sujoud, il a oublié le ruku', il ne sait pas comment corriger sa salat. Ou bien il prie derrière l'imam, il descend avant lui en prosternation. Et beaucoup, beaucoup de fautes qui sont commises. La cause principale, c'est le jahl. C'est pas que les gens ne veulent pas bien faire, mais c'est qu'ils n'ont pas appris. Ils n'ont pas appris. Et si certes l'apprentissage et l'enseignement est la première responsabilité des parents, par la suite, lorsque toi tu deviens responsable, tu as l'obligation, toi, de chercher la science, toi, de questionner ceux qui savent. Donc ça n'est pas que la faute des parents. Mais nous, qui avons connaissance désormais, on doit chercher la science, on doit questionner. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. La personne âgée questionne, le jeune questionne, l'homme questionne, la femme questionne sur les choses de leur religion. Et un des points les plus importants après l'aqida, c'est as-salat. C'est as-salat. Awwalan shurut as-salah. Première chose que tu dois connaître, c'est les conditions de la prière. Qu'est-ce que ça veut dire, les conditions de la prière? Ce sont les choses que tu dois réunir et accomplir et préparer avant même d'entrer dans la salat pour que cette prière soit valable. Et s'il manque une de ces conditions, sans excuse valable dans le dit, cette prière-là, elle n'est pas valable. Cette prière-là, elle n'est pas passée. Cette prière-là, elle n'est pas acceptée chez Allah. Cette prière-là, tu n'en seras pas récompensé. Cette prière-là, tu en es redevable. C'est une dette. Donc on voit ici l'importance d'étudier shurutu as-salah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, comme c'est rapporté par le Bukhari et Muslim, la yaqbalu Allah salata ahadikum ida ahdatha hatta yatawadda. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il perd le wudu, ses ablutions. Allah n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il perd ses ablutions jusqu'à ce qu'il les refasse. Ici, on nous enseigne quoi? Shurut as-salah. Le prophète sallam nous montre ici que parmi les conditions de la salat, il y a al-wudu. Il y a al-wudu. Quelles sont les conséquences de ne pas venir avec la condition? La yaqbalullah. Allah ne l'accepte pas. Pourquoi est-ce que tu pries? Pourquoi est-ce que tu fais le wudu? Pourquoi est-ce que tu viens au masjid? Pourquoi est-ce que tu adores Allah? Al-qaboul. Tu cherches l'acceptation de tes actions. Al-jannah, al-hasanat, al-najatu minan-nar. Al-préserver de l'enfer. Tu veux rentrer fil jannah. Tu veux l'élévation en degré, les hasanat. Pour cela, il faut quoi? Respecter ash-shurut. Il faut respecter et connaître et réunir ash-shurut. L'homme fait al-wudu. Et ensuite, il va aux toilettes. Est-ce qu'il peut prier directement? Non. Il lui faut shurut as-salah. Il lui faut apprendre shurut as-salah. D'accord. Qu'est-ce qui annule al-wudu? Il doit savoir ce qui annule al-wudu pour savoir s'il doit les refaire ou s'il les a toujours. Ça revient à l'étude de tahar, à l'étude de la purification. Donc on comprend bien ici l'importance d'étudier les conditions de la prière. La première condition de la prière, pour que ta prière soit acceptée, valable chez Allah, que tu t'en vois récompensé, c'est l'islam. C'est d'être musulman. Amma ghayrul muslim فإن صلى فصلاته باطلة والله سبحانه وتعالى لا يقبل منه شيئا من العباد حتى يتوب إلى الله ويوحده ويترك الشرك والكفر. La première condition, c'est être musulman. Quant à celui qui n'a pas l'islam, Allah n'accepte pas sa prière s'il l'accomplit. Allah n'accepte pas sa prière. Parce que la condition, c'est l'islam et c'est la sincérité. Allah n'accepte rien de lui tant qu'il n'a pas l'islam. Tant qu'il n'a pas l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ulaika habitat a'maluhum wa fi an-narihim khalidun. Wa yaqul wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Concernant les actions des associateurs, Allah Azza wa Jalla nous dit: voici ceux dont toutes les actions seront annulées. Et dans l'autre version, dans l'autre verset, selon la traduction des sens, de ces sens, et on avancera ce qu'ils ont accompli et on rendra tout cela poussière éparpillée. L'action qui est faite sans ikhlas, Allah Azza wa Jalla n'accepte pas. Même si la personne se fatigue, voyage et dépense, Allah Azza wa Jalla ne l'accepte pas. Donc, il faut absolument que la personne, avant d'agir, elle ait prononcé quelle parole ? Ash-shahad. Ash-shahadu an la ilaha illallah wa ash-shahadu anna muhammadan rasulullah. Sans ça, il n'y a pas d'amal maqboul indallah. Ça, c'est la clé du khayr. Tout comme c'est la clé du paradis, c'est la clé du bien. Et c'est la clé de l'acceptation. Il n'y a pas de bien sans shahad. Il n'y a pas de kaboul sans shahad. La personne dit ashhadu an la ilaha illallah, je reconnais, je crois, je sais, j'adhère à cette parole. Quelle est cette parole? La ilaha illallah, qui signifie la ma'bouda bihaqqin illallah. Nulle divinité ne dit n'être adorée excepté Allah. Il renie le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Et il atteste, il reconnaît que seul Allah mérite toute forme d'adoration. Puis il dit wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. J'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Je reconnais, je sais et je crois qu'il est le serviteur d'Allah, je ne l'adore pas. Mais c'est le messager d'Allah, je crois en lui, je crois en son message. Et je suis sa voix. Et je sais qu'il n'y a pas d'autre voix qui mène à l'agrément d'Allah azza wa jalla si ce n'est la sienne. Il prononce ce témoignage. Avec cette parole-là, il entre en islam. À ce moment-là, il peut faire la salat et avoir cette première condition. La deuxième condition, al-aql, il doit avoir la raison. Quant à celui qui est majnoun, qui n'a pas la raison, qui est fou, lui, sa salat n'est pas valable. Et on lui dit pas de salat, on lui dit pas de prier. Non. Et s'il prie, c'est pas valable. Parce qu'il n'a pas la raison. Il n'a donc pas un niyya. Il n'a pas l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme c'est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah et d'autres selon Aisha, et d'autres, radiallahu anha, rufi al qalam an thalatha. La plume a été levée de trois personnes, de trois catégories. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, parmi eux, al majnun hatta yufiq. Et les deux autres catégories, al na'im hatta yastayqil, wa as-sagir hatta yablugh. Donc, celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille, l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, et celui qui a perdu la raison jusqu'à ce qu'il la retrouve. Jusqu'à ce qu'il la retrouve. La troisième condition est tamyize. Pour que la prière soit valable, ça concerne les enfants, c'est le discernement. Atteindre le discernement. Il comprend ce qu'on lui dit, il est capable de répondre. Na'am. Et cet âge a été défini par le prophète alayhi salatu wassalam, par l'ordre auquel on ordonne la salat, c'est sept. C'est bon aussi. Mourou. أولادكم للصلاة وهم أبناء سبع وهم أبناء سبع. Ordonnez la prière aux enfants lorsqu'ils atteignent 7 ans ou bien lorsqu'ils auront 7 ans. Donc lorsque l'enfant complète 7 ans, tu as l'ordre de lui ordonner la salat. Mais pour lui, c'est pas encore obligatoire. Ça deviendra obligatoire à la puberté. Mais de ces 7 ans à la puberté, il est dans une marhala dans une étape d'entraînement. Na'am, dans une étape d'apprentissage. D'accommodement, et ainsi de suite. Donc l'enfant, lorsqu'il atteint 7 ans, il peut prier, la prière est valable. Avant cela, s'il n'a pas de tamyiz, on ne lui ordonne pas de prier. On n'ordonne pas à l'enfant de 4 ans de prier. Mais s'il prie, c'est pas valable. Et on ne le rentre pas dans les rangs avec les âmes. Sinon, il coupe le rang. Non. Quand il atteint 7 ans, il rentre dans les rangs avec les hommes. Et la fille entre dans les rangs avec les femmes. Et parmi les fautes qu'on voit, Naam, c'est que des papas viennent avec leurs enfants, mais ils font entrer leur fille, par exemple de 8 ans, dans les rangs avec eux. C'est une faute. La fille, la jeune fille, elle rentre avec les femmes, avec ses sœurs, avec sa mère, avec ses tantes. Elle ne va pas dans le rang des hommes. Mais à partir du moment où elle a atteint l'âge de prier, elle va du côté des femmes. Elle vient, si elle est accompagnée d'une des femmes de sa famille, alhamdulillah. Dans le cas contraire, elle apprend à aller du côté des femmes, et une dame, yani, prend soin d'elle et l'oriente dans cela. Et lorsqu'elle finit salat, elle revient de l'autre côté rejoindre son frère, son oncle, son père ou autre. Barakallahu fikum wa fi awladikum. Donc l'enfant prie lorsqu'il atteint 7 ans. Et ça devient plus recommandé encore lorsqu'il atteint 10 ans. Mais ça deviendra obligatoire à la puberté. Et tu comprends pourquoi certains ont du mal à faire la salat et n'ont pas de régularité dans la salat, même après avoir atteint la majorité. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils étaient petits, ils n'entendaient pas « Fais la prière, Allah a ordonné la salat. » Fais la prière, le Prophète sallam a ordonné ça. Fais al-wudu, on va à la mosquée faire salat. Ils n'entendaient pas ça. Donc arrivé à 15 ans, arrivé à 18 ans, son père ou sa mère lui dit « Salli ». Mais lui, il n'a jamais entendu ça. Donc le temps qu'il découvre la salat, qu'il apprenne la salat, qu'il trouve difficile l'apprentissage des soirs, ça va être un grand frein. Même si ça lui est obligatoire, ça va être un grand frein. Alors que s'il est enfant, c'est l'enfant lui qui viendra te tirer pour la salat. Mais tu te réjouiras et ça deviendra la prunelle de tes yeux lorsqu'il te réveillera à son tour pour la salat et qu'il te rappellera la salat. Et que ça sera ton compagnon de salat, toi, hakada. Naam, ça fait partie des points les plus importants dans tarbiyatul awlat. Tu dépenses pour ton enfant et ton enfant est bien habillé. Et il est propre. Et il est lavé. Et il est vêtu. Et il est bien nourri. Et tu lui offres ce qu'il aime. Et tu lui offres les cadeaux du Eid. Et il est heureux. Et c'est une bonne chose. Mais plus important que ça, c'est la nourriture du cœur et de l'âme. Tu lui apprends qui est Allah Azza wa Jal. Tu apprends la salat, wa hakadha. Waffaqana Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. La quatrième condition, c'est raf'ul hadath, c'est faire al-wudu. Pour celui qui n'a pas ses ablutions, c'est le fait de faire al-wudu. Na'am. Et pour ce faire, il faut savoir ce qui annule al-wudu. Et il faut savoir quelles sont les conditions de al-wudu et quelles sont les obligations de al-wudu. Naam. La personne, après avoir purifié son corps, naam, peut-être qu'il a une impureté sur lui, il l'a enlevé. Naam. Celle en état de janaba, elle se lave de la tête aux pieds, fait le rousl. Naam. Puis il dit bismillah. Et il se lave les mains trois fois. De se laver les mains trois fois à ce moment-là, c'est recommandé. C'est pas obligatoire, sauf pour celui qui s'est réveillé. Naam, de son sommeil de la nuit. Lui, il est obligé de laver ses mains trois fois avant de mettre sa main dans le récipient, comme l'a ordonné le prophète alayhi salatu wassalam. Sinon, c'est une sunna. Il lave ses mains trois fois. Naam. Puis, il prend de l'eau avec sa main droite et il met cela dans sa bouche et le reste dans son nez avec une prise d'eau. Ça, c'est le mieux et c'est la sunna. Naam. S'il le fait avec deux prises d'eau, c'est-à-dire il met une dans sa bouche et la deuxième dans le nez, c'est valable. Mais le mieux, le plus proche de la sunna et en conformité avec les actes du prophète alayhi salatu wassalam, avec la même prise d'eau, il met dans sa bouche et dans son nez. Naam. Puis il fait le madmada. Il rince sa bouche. Puis il fait l'istinthar. Il crache et il fait l'istinthar, c'est-à-dire qu'il se mouche. Il a mis de l'eau dans sa bouche et dans son nez. N'est-ce pas? Il a rincé sa bouche, il crache l'eau et il se mouche avec sa main. Ça, c'est une fois. Puis il prend de l'eau une deuxième fois, il fait une deuxième fois. Puis une troisième fois. Ça, c'est pour la bouche et l'eau. Ensuite, il prend de l'eau. Il joint ses mains et il fait le visage. Le visage commence du haut du front, où la pousse des cheveux a lieu en général. Et il s'arrête au menton. Naam, il s'arrête au menton. Pour celui dont on voit la peau du menton. Quant à celui qui a une barbe fournie, à la fin des poils de la barbe. Quant à la largeur, ça commence de l'oreille à l'oreille. C'est-à-dire d'ici à ici. De là à là. D'accord ? Donc il a l'obligation de laver l'entièreté du visage. Il prend de l'eau, il joint ses mains et il fait comme cela. Donc du haut jusqu'au bas. D'accord ? Il fait cela une première fois, puis il reprend de l'eau une deuxième fois, il le recommence. Puis une troisième fois. N'est-ce pas ? Après cela, il passe au bras jusqu'au coude. Et sachez qu'à ce moment-là, il a l'obligation de laver les mains. Au début, c'est une sunna de Bidul Wudu. Mais là, c'est obligatoire. Il lave les mains. Il lave le bras, l'avant-bras. Et il lave le coude. Donc, ça commence du bout des doigts. Et ça finit en dépassant le coude. Tout cela est mahallul ghasl. Il doit laver tout cela. D'accord ? Il ne doit pas juste mouiller sa main et passer. C'est pas le masl. C'est le ghasl. Il doit mettre de l'eau. Naam. Donc il prend de l'eau et il passe la main ainsi. D'accord ? Et de frotter avec la main, c'est une sunnah. D'accord ? Il prend l'eau ainsi, il fait couler et il passe sa main de la sorte. Il fait bien ses mains entre les doigts, le bras et jusqu'au coude. Il dépasse le coude. Il dépasse le coude de la sorte. Il fait cela une deuxième fois, puis une troisième fois. Puis il fait la main gauche. Puis il fait la main gauche. Il prend de l'eau, il lave la main jusqu'au coude. Fait la main entre les doigts, le poignet, l'avant-bras, le coude et il dépasse un peu le coude. Il fait cela à trois reprises. Naam. Et dans ce moment-là, il a l'obligation de faire les mains. Et beaucoup à ce moment-là ne font pas les mains. Ce wudu-là, il n'est pas valable. Le fait de faire le bras sans les mains, c'est pas valable. Il manque une partie qu'Allah Azza wa Jalla nous a ordonné. Naam. Aydiyakum ila al-marafiq. Vos mains jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Puis la personne doit faire al-mas al-ra's. Il doit faire al-mas. Jusqu'à présent, on disait le lavage. Là, c'est l'essuyage. Qu'est-ce que l'essuyage ? C'est le fait d'avoir les mains mouillées. Puis de passer sur l'endroit à essuyer. En l'occurrence, ici, la tête qui commence du haut du front lors de la pousse régulière des cheveux ou habituelle et qui s'arrête à la nuque. Et qui s'arrête à la nuque. La personne essuie une seule fois, en commençant du haut du front, en allant jusqu'à la nuque, et en revenant au haut du front. Puis, elle fait directement les oreilles sans reprendre de l'eau. لِأَنَّ الْأُذُنَيْ مِنَ الرَّأْسِ. Car les oreilles font partie de la tête. Donc, il fait l'essuyage. Ses mains mouillées, après avoir mouillé ses mains, il essuie la tête. Pas une partie seulement, la tête. D'accord ? Il commence du haut du front, il va jusqu'à la nuque, il revient et il fait les oreilles. Avec Mada, son index, il fait la face, on va dire, yani qui est extérieure, que les gens voient. Et avec ses pouces, naam, ce qu'il y a entre les oreilles et la tête. Naam. Donc il fera ainsi. Avec le pouce, il fait derrière l'oreille. Naam. Et avec ses index, il fait l'intérieur de la sorte. Une fois, il nettoie, il passe sur la tête et ensuite il fait les oreilles. Sans avoir besoin de reprendre de l'eau. Et de là, tu enlèves le waswas que certains ont lorsqu'ils disent « J'ai un doute si j'ai fait la tête ». On ne peut pas avoir un doute si on a fait la tête. À partir du moment où on sait qu'on a fait les oreilles. Parce que forcément, c'est ensemble. De la même façon, tu ne peux pas avoir un doute sur les oreilles si tu as fait la tête. La personne, elle fait la tête, elle fait les oreilles ensemble. Elle fait les oreilles avec. Donc celui qui touche sa tête ou ses oreilles, il voit qu'il a passé. C'est sûr qu'il a fait le reste. Naam, c'est sûr qu'il a fait le reste et beaucoup ont du waswas arrivé à cet endroit-là. Naam, il ne faut pas lui prêter attention. Il faut dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Elle bayna ala al-mudda'i » Celui qui prétend une chose, à lui donner la preuve. Et Shaitan tente de te waswas, ça lui de ramener la preuve que tu n'as pas fait le wudu. Toi, tu sais que tu as fait. Voilà, si tu ne prêtes plus attention aux Shaitan et aux insufflations. Après cela, il te reste les pieds. Tu dois laver les pieds dans le cas où tu n'as pas de chaussons, de chaussettes ou autre. Donc tu mets de l'eau sur le pied droit et tu le laves jusqu'au Ka'ban. Al-Ka'ban, ce sont les deux excroissances qu'il y a, les deux boules qu'il y a au-dessus de la cheville ou à la cheville. À droite, il y a un Ka'b, à gauche, il y a un Ka'b. Donc chaque pied a deux Ka'b. Est-ce que c'est compris? Al-Ka'b, c'est pas la cheville en soi. Al-Ka'b, ce sont les deux excroissances qu'il y a à la cheville, les deux boules. Le prophète alayhi wa sallam dit Waïdu lil a'qab min an-nar. Malheur au Ka'ban du feu. C'est-à-dire ceux qui font pas bien le wudu, ils font pas assez attention. Il se peut qu'il y ait un petit endroit qui n'a pas été touché de l'eau. Le prophète alayhi wa sallam menace ces gens-là de l'enfer ou du feu. Naam, et il nous ordonne de parfaire le wudu. Pourquoi est-ce qu'on a cité le Ka'ban? Parce que c'est l'endroit le plus éloigné et en général l'endroit qu'on voit le moins et dans lequel on peut le plus avoir du laxisme. Donc, ne pas faire correctement le wudu à cet endroit. Il faut faire attention à cet endroit-là. Et lorsque tu laves le pied, une sunna, tu utilises ton petit doigt, naam, donc tu nettoies, tu mets de l'eau avec ta main droite, tu nettoies avec ta main gauche, le pied, le talon, les doigts de pied, et tu passes, naam, tu passes, là, ton petit doigt entre les doigts de pied, en commençant après le gros pouce, en commençant après le pouce, en allant jusqu'au petit. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est pour le pied droit. Et lorsque tu laves le pied gauche, tu fais la même chose, mais pour le pied droit, tu commences du petit. Naam, tu commences de droite à gauche. Donc, tu vas commencer après le petit doigt et tu remontes jusqu'au pouce. Pour le pied gauche, vu que c'est au pied gauche, ça va commencer par, yani, ça commencera après le pouce pour aller jusqu'au petit doigt. Donc, tu passes ton petit doigt entre les doigts de pied. Ça, c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque tu finis tout cela, tu as fait al-wudu, comme le prophète alayhi salatu wassalam le faisait. Donc, si tu commences par dire bismillah, et tu fais trois fois chaque chose, sauf pour la tête, tu fais une seule fois, l'essuyage, elle est avec les oreilles, naam, alors tu auras fait al-wudu complet. Quant à la sunna, le minimum, naam, al-qadr al-mujzi, ce qui rend valable le wudu, c'est de faire juste une fois chaque. Une fois, pas trois fois. Une seule fois suffit. Une autre sunna, deux fois. Et la perfection, c'est trois fois, et c'est ce que faisait le prophète sallam le plus souvent. Le plus souvent. Ensuite, il nous est légiféré des invocations. Il nous est légiféré des invocations, qui ne, même si elles ne sont pas obligatoires. Allahumma ja'alni minat tawwabina. وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. Oh Allah, joins-nous au nombre de ceux qui se repentent beaucoup, ainsi qu'au nombre de ceux qui se purifient beaucoup. Naam, il y a aussi الشَّهَادَةً. Et il y a aussi la même dua que dua khatm al-majlis. Voici pour la façon de faire al-wudu. Voici pour la façon de faire al-wudu. Donc ça, c'est raf'ul hadath. Ça, c'est le fait de sortir de l'état d'impureté qui ne permet pas la salat. Il y a deux hadaths. Al-hadath al-akbar, ça rend obligatoire le ghusl. Pour celui qui a eu un rapport avec la femme, pour celui qui a eu la sortie du mani avec plaisir, pour la femme qui a fini ses menstrues, ses lochis, naam, tous ces gens-là doivent faire al-ghusl. Tous ces gens-là doivent faire al-ghusl. Mais à partir du moment où l'homme entre la partie de la circoncision en la femme, les deux ont l'obligation de faire al-ghusl, qu'il complète ce rapport ou qu'il ne le complète pas. Quant au hadith asrar, le petit état d'impureté ou l'impureté mineure, ça rend obligatoire al-wudu, pas al-ghusl. Ça rend obligatoire al-wudu. Ça, c'est pour celui qui a la sortie d'un liquide, comme celui qui va aux toilettes, comme celui qui a du madhi, comme celui qui a du wadi, et ainsi de suite. Ces gens-là n'ont pas à faire le ghusl, mais ils lavent la partie, naam, ils lavent leur partie, et ils font el wudu, et ils mettent de l'eau sur le vêtement. Ainsi, il fait la purification. Naam. Quant à celui qui n'a pas d'eau, il fait tayammum. Quant à celui qui n'a pas d'eau, il fait التيمم إن الصعيد الطيب طهور المؤمن والمسلم. Le prophète sallam nous dit que la, les choses de la terre qui sont pures, le prophète sallam peut faire un tayammum avec. Wa illam yajid al-ma'a 10 sinin. Même s'il ne trouve pas d'eau pendant 10 ans. Fa idha wajada al-ma'a falyamassahu basharatahu. Fa inna dhalika khayr. Mais lorsqu'il trouvera de l'eau, il devra ماذا l'utiliser pour se laver. Apporté par l'imam al-Tirmidhi selon ماذا أبي ذر رضي الله عنه. Il y a bien évidemment un niyya à avoir au début de l'action, un niyya à avoir au début de l'action. Et celui qui fait le wudu, il doit savoir que parmi les conditions, il y a aussi l'islam, la raison, le discernement, il y a l'intention, et il y a ce qu'on appelle l'istishab. C'est-à-dire qu'il ne doit pas couper son intention pendant qu'il fait al-wudu. Aussi, il doit avoir une qita al-mujib. Quand il fait le wudu, il ne doit pas être en train de faire une chose qui le coupe en même temps. Par exemple, il urine. Il n'a pas fini d'uriner, il commence le wudu. Ce n'est pas valable. Ou il fait le wudu et pendant il a un gaz, il n'a pas fini son gaz. Non. Il doit attendre que ceux qui annulent al-wudu s'interrompent. Et à ce moment-là, seulement il se purifie et peut faire al-wudu. Mais avant le wudu aussi, comme on l'a dit, il doit enlever ce qui empêche l'eau de toucher la peau, comme de la peinture ou de la terre ou autre chose. Il doit enlever cela, ou du vernis et ainsi de suite. Donc ماذا, voici les conditions. L'eau doit être aussi pure. نعم. Quant aux obligations d'al-wudu, elles sont nombre de 6. C'est ce qui est cité dans le verset الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Dans سورة المائدة, le verset 6, selon la traduction des sens de ce verset, vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, essuyez vos têtes et lavez vos pieds jusqu'au Kaaba. Ça fait 4 qui sont cités dans le verset. 2 autres obligations, at-tartib, l'ordre. Et il faut faire d'abord ce qui concerne le visage, ensuite ce qui concerne les bras, les mains et les bras et les coudes, ensuite ce qui concerne la tête et les oreilles, ensuite ce qui concerne les pieds. Il faut cet ordre-là. Naam. Et la 6e obligation, c'est le mu'ala, c'est la succession. Il ne faut pas laisser un temps disproportionné puis reprendre le wudu. Non, il faut que ça s'enchaîne. Il ne faut pas qu'il y ait une interruption. Naam. Il ne faut pas qu'il y ait une interruption. Et le temps de l'interruption, c'est le urf. Naam, ce qui est connu comme étant long. Mais si la personne fait une action brève et reprend le wudu, c'est valable. Mais il ne doit pas avoir une interruption. Naam. Quant aux choses qui annulent le wudu, c'est le kharij min as-sabilayn, tout ce qui sort des deux orifices, de devant, comme la personne urine, ou de derrière, quand la personne fait ses grands besoins. Tout ça, ça annule le wudu. Que cette chose soit pure ou pas, que cette chose soit habituelle ou inhabituelle, tout ce qui sort de devant ou de derrière, ça annule el wudu. Ça annule el wudu. Parmi les choses qui annulent el wudu, il y a aussi le fait de dormir. Il y a aussi le fait de s'endormir. Le sommeil qui est profond annule al-wudu. Zawal al-aql, la personne qui perd la raison. Ça annule al-wudu. Aklu lahmi al-jazur, le fait de manger du chameau, de la viande de chameau, ça annule al-wudu. Ensuite, les savants divergent, est-ce que le fait de toucher la partie intime avec la paume de la main sans qu'il y ait un tissu ou autre, est-ce que ça annule le wudu ou pas? Sur ça, il y a une grande divergence. La sécurité, c'est de prendre le fait que ça annule le wudu et de refaire le wudu. Ainsi, la personne aura préservé sa religion. Quant à la personne qui touche une partie intime mais avec un gant ou avec quelque chose sur sa main et sa main ne touche pas directement la partie intime, ça n'annule pas el wudu. Voici les choses qui annulent el wudu. On revient à la prière, aux conditions de la prière. La cinquième condition, izalatun najasa min thalath, ôter l'impureté de trois choses. Min al badan, de ta personne, de ton corps, si tu as une impureté qui t'a touché par exemple. Deuxièmement, madha min al buqa, l'endroit sur lequel tu vas prier. Et troisièmement, min al thawb, des vêtements dans lesquels tu vas prier. S'il y a une impureté, par exemple de l'urine à toucher, d'accord, ou autre, tu dois laver la partie qui a été touchée par l'impureté. Ensuite, tu peux prier avec. Allah dit dans le Coran, wa thiyabaka fatahhir, purifie tes vêtements. Donc avant d'entrer en prière, il y a une préparation. Car cette prière est un pilier de l'islam et c'est la chose la plus importante. Et c'est le lien le plus solide entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a donc toutes ces préparations. La personne doit avoir un vêtement qui est pur. Elle doit prier sur une surface où il n'y a pas d'impureté. Et si sa peau, son corps avait été touché d'une quelconque impureté, il doit la retirer et se nettoyer avant. La sixième condition, c'est l'awra. Il doit cacher sa nudité. La aura de l'homme, c'est du nombril au genou. Mais dans la salat, le prophète a.s.w. a dit que personne ne prie sans rien avoir sur les épaules. Donc, le haut du corps ne fait pas partie de la aura de l'homme. Mais pour prier, il doit couvrir. Pour prier, il doit couvrir cela. Naam, il ne peut pas prier en cachant que du nombril au genou. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Allah nous dit en Coran, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dans le Coran, Allah azza wa jalla nous ordonne de prendre nos parures pour chaque salat. Donc là, la personne, le croyant, la croyante, a l'obligation de couvrir leur nudité. Et le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Apporté par l'imam muslim, certes Allah est beau, il aime la beauté, donc celui qui a des moyens, il s'embellit pour faire cette salat. Et il prépare de bons vêtements pour faire cette salat. Non. Et il y a le consensus des savants quant au fait que celui qui ne couvre pas sa aura, sa prière n'est pas valable. Couvrir sa aura, ça veut dire quoi? Couvrir al-bashara, couvrir, c'est-à-dire de la vue. On ne doit pas voir. Donc, ni il doit découvrir, ni il doit mettre un vêtement qui est transparent. Deuxièmement, il doit mettre un vêtement qui ne dessine pas sa aura. Il ne peut pas prier avec un vêtement qui est serré. Ou un vêtement qui descend lorsqu'il se prosterne, ainsi ça découvre de sa aura. Comme c'est une erreur, due aux mauvais vêtements qui sont mis. C'est une erreur qui est commise par certains en salat, lors du ruku' ou lors du sujoud, de leur nudité. Allah musta'an est découverte et c'est grave. Naam. Donc la awra, c'est du genou au nombril pour l'homme. Et pour la femme, la awra, c'est ce qu'elle couvre lorsqu'elle est chez elle, devant les hommes de sa famille. Naam, à savoir du bas du cou, naam, du haut de la poitrine, jusqu'en dessous des mollets ou des mi-mollets. Ça, c'est la aura de la femme. Quant à sa aura dans la salat, elle ne laisse apparaître que le visage. Non. Quant aux pieds, si elle veut, elle les couvre en ajoutant des chaussettes, mais ça n'est pas une obligation. Mais son vêtement devra tomber au sol. Le vêtement devra atteindre le sol. Non. Et la base concernant la femme est que ce qui est ordonné à l'homme lui est également ordonné. Car le prophète a dit An-Nisa shaqa'iqur rijal. Les femmes sont les consœurs des hommes. Donc dans le din, ce qui est valable pour l'homme, c'est valable pour la femme. Ce qui est donné à l'homme, c'est donné à la femme. Sauf lorsqu'il y a un texte qui affirme une particularité. Par exemple, la femme doit, pour prier, mettre le hijab. Pourquoi? Parce qu'il y a une preuve particulière. Une preuve particulière. Par exemple, lorsque la femme est indisposée, qu'elle a ses menstrues, ses logis, elle ne prie pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un texte. Sinon, la base, c'est un mada que les jugements concernent l'ensemble. Ya ayyuhan nabiy, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Ô prophète, ordonne à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants. Et aux femmes des croyants de revêtir sur elles leur grand jilbab. Non. La septième condition du khulul waqt, la septième condition de la prière, c'est l'entrée de l'heure. Il y a des heures déterminées pour la prière. Un début pour le temps, une fin pour le temps. Celui qui prie même 5 minutes avant la salat, avant l'heure de l'entrée de la salat, cette prière-là n'est pas valable. Il doit attendre l'entrée de l'heure de la salat. Il doit attendre l'entrée de l'heure de la salat. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Aqimi salata li duluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Dans sourate Al-Isra, le verset 80, le verset 78, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne la prière lors du déclin du soleil jusqu'à la nuit et la lecture du Fajr. Qur'an al-Fajr, c'est-à-dire la lecture du Fajr. On l'a appelé la lecture du Fajr parce que la plus grande partie de la prière du Fajr, c'est la lecture du Qur'an. C'est la lecture du Qur'an et qu'on récite beaucoup le Qur'an au Fajr, c'est la sunnah. Inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda. Prière du Fajr, na'am, y assiste. Na'am, elle est témoigne. Yani, il y a des témoins dans cette salat. Il y a des témoins dans cette salat. En l'occurrence, c'est le malaïka. Donc, on conditionne pour l'authenticité de la prière que le temps soit entré. Que le temps soit entré. La prière priée avant son temps n'est pas valable. Et la prière priée après la sortie du temps, na'am, c'est un péché immense qui a été commis. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, celui qui fait sortir le asr de son temps, faqad habita amal. Subhanallah. Celui qui laisse le asr sortir et qu'il ne le prie pas dans son temps, na'am, ses actions sont annulées, sont vaines. Certains savants ont dit, tout ce qu'il a fait ce jour-là, ça a été annulé. Tout ce qui a été fait ce jour-là, ça a été annulé. Et dans l'autre hadith, c'est comme s'il avait perdu sa femme, ses enfants et tous ses biens. Allahu Akbar. Vous imaginez? La personne, elle sort pour le travail, par exemple. Na'am? Et en rentrant chez lui, en rentrant chez elle, il n'y a plus d'enfants, plus d'épouse et plus de biens. Celui qui fait sortir la salade de son temps, il est semblable à cet homme-là. Wal'iyadu billah. Comme s'il avait tout perdu. Wal'iyadu billah. Et quoi de plus cher que femme, enfant et richesse? Il a perdu tout ce qu'il y avait dans tout le monde. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il a perdu ça? Contre quoi il a échangé ça? Contre le salaire d'une heure en plus? Contre quoi? Contre de l'argent? Quand il va travailler, ne dit-il pas que c'est pour nourrir sa famille? C'est pour aider sa famille, c'est pour. Dans le cas où il rentre, il a tout perdu. Ce travail-là, il n'est pas moubarak. Ce travail-là, il ne lui est pas moubarak. Il doit changer, se réformer, se corriger. Wal mal malullah. Wa aktasibu li ya'budallah. L'argent, c'est l'argent d'Allah. Et il le prend pour adorer Allah. Donc celui qui entra, il ne peut pas prier à l'heure. Il change. Il ne va pas changer sa religion pour son travail. Mais il change son travail pour son dîn. Parce qu'il n'a pas été créé pour son travail, il a été créé pour son dîn. Et cet argent qu'il reçoit dans sa main, de la part de qui que ce soit, c'est Allah Azza wa Jal qui l'a mis dans la main de l'autre. Et si Allah Azza wa Jal te dit de l'adorer, il te donnera ta subsistance, toi tu fais ta part. Ta part c'est quoi? Tu adores Allah Azza wa Jal. Quant à ta subsistance, sache que plus tu pries et tu adores Allah Azza wa Jal, plus ta subsistance elle vient dans ta main. Et dans des versets du Coran, Allah Azza wa Jal a mis à côté de la salat la subsistance. Regarde. Allah Azza wa Jal ordonne au prophète d'ordonner la salat à sa femme. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهِ. Dans surat Taha, si mes souvenirs sont bons, ordonne à ta famille la prière et sois constant dans celle-ci. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا. On ne te demande pas la subsistance. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. نَحْنُ نَرْزُقُكَ. Nous, on te donnera ta subsistance. Nous, on te donnera ta subsistance. Toi, tu fais ta part, c'est la salat, à l'heure, avec les conditions, avec les piliers, avec les obligations. Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il te donne sa promesse. C'est quoi? La nas'aluka rizqa. Ne te demande pas la subsistance. Nahnu narzuquk. Nous, nous allons te donner. Nous, c'est-à-dire Allah azza wa jal. Ça, c'est l'il'azama. Quand on dit nous, c'est pour l'immensité. C'est pas pour la pluralité. C'est pas parce qu'il y a plusieurs. Mais c'est parce qu'Allah est immense. Non, c'est parce qu'Allah Azza wa Jal est immense. Allah Azza wa Jal t'a accompli à salat, il te donne ta subsistance. Il bénit ta subsistance. Il multiplie ta subsistance. Il augmente ta subsistance. Quant à celui dont la subsistance, elle le pousse à désobéir Allah Azza wa Jal. Elle le pousse à transgresser. Il a de l'argent, il a de quoi manger, il a de quoi se nourrir sa famille, mais il veut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ça l'amène à faire quoi? Ça l'amène à délaisser le Jumu'ah. Ça l'emmène à travailler pendant le Jumu'ah. Quand les gens se lavent et vont au masjid, lui non. Lui il va au travail, il délaisse le Jumu'ah. Ça c'est une kabira. Un Jumu'ah tu le délaisses, c'est très grave. Et jamais un autre Jumu'ah viendra deux fois dans la semaine pour que tu rattrapes l'autre. Non, c'est une kabira. Il n'y a que Tawba qui peut effacer cela. Un deuxième Jumu'ah, c'est un autre grand péché. Et c'est très grave. Arriver au troisième, c'est un grand péché dans l'autre. C'est-à-dire qu'en plus du grand péché, il y a autre chose qui s'ajoute. C'est quoi? On lui scelle le cœur. On lui scelle le cœur. Il un voile sur le qalb. Wal'iyadu billah. Quelle plus grande punition que celle-ci? Autre exemple, la personne, elle travaille, elle a des moyens, mais elle veut encore plus. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans un travail où il vend l'alcool, où il sert l'alcool, où il livre l'alcool, où il livre la viande qui n'est pas halal. Naam. Où il travaille à la caisse et il fait passer des produits qui sont haram. Et lorsque tu lui fais le rappel, il dit oui, mais je dois nourrir ma famille. Oui, mais kada, oui, mais kada. Hadha lillah azza wa jal. Ça, c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui le fait. C'est Allah qui nourrit ta famille. C'est Allah qui, dans le ventre de leur mère, leur donnait leur subsistance. Maintenant qu'ils marchent et qu'ils sont adultes, tu penses qu'il ne va pas leur donner? Subhanallah. Fama vannukum bi rabbil alamin. Quelle mauvaise opinion avez-vous du Seigneur des mondes? La personne, elle doit regarder ce qui rentre dans sa poche, dans sa main, dans son ventre, ce qu'il met dans le ventre de son épouse, de ses enfants. Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous dit que chaque corps, le jism, qui a grandi de haram, nabata fil haram, min haram, chaque corps qui a grandi en se nourrissant du haram, fannaru awla bih, le feu est plus à même de le recevoir. Allah musta'an. Et celui qui mange des choses illicites, c'est une cause pour qu'Allah rejette ses doigts. Dans le hadith, Inna Allah tayyibun laqbalu illa tayyiba. À la fin du hadith, Thumma dakar rajula yutilu safa, ashrasa arba, yamuddu yaday la sama, ya rab, wa mut'amu haram, wa masharu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fana yastajabna. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallam nous parle d'un homme qui est dans un long voyage, ébouriffé, poussiéreux. Il lève ses mains, il fait dua, oh mon Seigneur, oh mon Seigneur. Mais ce qu'il mange, haram. Ce qu'il boit, haram. Ses vêtements, haram. Il a été nourri, le haram. D'accord ? Comment serait-il exaucé ? C'est-à-dire, c'est loin, très loin de lui l'exaucation. Les amada, l'acceptation. L'acceptation. Donc, faites attention. On fait attention à ce qu'on mange. On fait attention dans quoi on travaille. On fait attention à ce qu'on ramène chez nous. Abdullah ibn Amr ibn As, ou bien Amr ibn As, ses dua étaient exaucés. Dès qu'il faisait dua, on voyait la réponse. On lui a dit, comment ? Yani, par quoi est-ce que tu as obtenu ça ? Il a dit, il n'y a pas une chose que je mets dans ma bouche sans savoir d'où ça vient. Yani, il fait attention. Il fait attention à sa subsistance, qu'elle soit halal à 100%. Qu'elle soit halal à 100%. Abu Bakr, radiallahu anhu, une fois, une personne lui a donné une chose à manger. Puis il lui a dit, d'où tu as eu cet argent-là ? Il lui a dit, dans la jahiliya avant l'islam, j'ai fait de la voyance pour un homme. Takahant. Alors qu'en vrai, je ne suis pas un voyant. Je suis un charlatan, je l'ai arnaqué. Je l'ai arnaqué. Abu Bakr s'est fait vomir. Radiallahu anhu. Il s'est fait vomir. Il a sorti ce haram qui était entré, il l'a fait sortir. Alors qu'il n'avait pas commis de péché. Alors qu'il n'avait pas l'obligation de faire ça. Lakinnahu al-wara' wa al-tuqa. Mais c'est le haut niveau de Abu Bakr, radiallahu anhu, celui dont l'iman pèse plus lourd que l'iman de tout le reste de la communauté. Radiallahu anhu. Donc on doit faire attention à cela. On doit se repentir et on doit revenir vers Allah Azza wa Jal et chercher une subsistance halal. Et chercher une subsistance halal. Un autre exemple qui est plus répandu, c'est le fait de se raser la barbe qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à l'homme de porter, que le Prophète a ordonné à l'homme de laisser pousser. On se rase pourquoi ? Pour trouver un meilleur travail augmenté. Et souvent lorsque la personne se rase, c'est pas parce qu'elle n'a pas de travail, c'est parce qu'il veut augmenter son argent. Non. Il a un travail, par exemple, il gagne 1400 euros. Il pense qu'en désobéissant à Allah, Azza wa Jalla, en rasant de sa barbe, il va monter à 1700. Parce que l'employeur, ou comment est-ce qu'on dit, non, l'employeur, le patron, dit que si tu rases pas ta barbe, alors je peux pas avoir tel poste parce que tu as amené à rencontrer les gens et cadeau. Là, toi, tu sais que c'est Allah, Azza wa Jalla, qui t'a. Tu sais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, t'a dit, قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم, au fils de Adam. ماذا إني حرمت ظلما على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالم. Je me suis interdit à moi-même l'injustice et les rendu entre vous interdites. Ne vous opprimez donc pas les uns les autres. يابن آدم كلكم جائع إلا من أطعم فاستطعموني أطعمكم. تدبروا تمعنوا في هذا الحديث العظيم حديث قدسي حديث أبي ذر سيد أحاديث أهل الشام. Le plus noble hadith des gens du Sham, le hadith d'Abu Dhar, au fils de Adam. Vous êtes tous affamés, sauf celui que j'ai nourri. Demandez-moi donc de vous nourrir, je vous nourrirai. Ça, c'est la promesse de qui ? Hein ? Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui, lorsqu'il veut une chose, il dit soyez-la. Celui qui possède tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre. Si toi, un homme richissime, te dit, viens, non, et je vais te donner un repas ce soir. Tu serais apaisé, tranquillisé. Pourquoi ? Parce qu'il a l'argent dans sa main, et toi, tu peux marcher à sa porte. Mais ce riche-là, il peut mourir ou pas ? Il peut mourir. Il peut avoir un incendie, il perd toutes ses richesses ? Il peut y avoir un incendie, il perd toutes ses richesses. Toi, c'est pas un riche, une créature qui t'a promis. Toi, c'est le créateur, le vivant qui meurt jamais, qui possède tout. Et personne ne peut se mettre entre lui et sa volonté. Allah Azza wa Jal te dit, Yabna Adam, kullukum ja'i illa man at'amt. Fastat'imuni ut'imkum. Demandez-moi, faites dua, demande à Allah. Allahumma at'imni. Allahumma at'im ahli. Allahumma at'im awladi. Allahumma at'imna. Allah Azza wa Jal te donne, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Toi, tu dis non. C'est le patron qui va me donner si je fais tel péché. A'udhu billah, ittaqillah. Ittaqillah. Crains Allah tabaraka wa ta'ala. La promesse d'Allah Azza wa Jal, elle est véridique. Allah ne manque jamais à sa promesse. Et qui est plus véridique qu'Allah en matière de parole. Ça, c'est la promesse d'Allah Azza wa Jal. Donc, skun mutma'innan. Il fut dit à un des pieux prédécesseurs, comment se fait-il que tu vis aussi sereinement que ça ? il avait énormément d'enfants et il ne se souciait jamais comment je vais les nourrir. Et on dit, comment ça se fait? Il a dit, lorsque j'ai eu la certitude qu'Allah était mon seul créateur, j'ai su qu'il y avait avec ma subsistance. Alors je ne me suis plus jamais soucié de ça. Mais vous, celui qui reconnaît qu'Allah est son créateur, Allah a promis que toutes ses créatures, il leur donne leur subsistance. N'est-ce pas? Et dans les cieux, vous avez votre subsistance et tout ce qu'on vous promet. Un bédouin a entendu ce verset d'un connaisseur. Un homme de science était en voyage. Il a rencontré un bédouin. Cet homme de science a récité. Il a récité ce verset de cour. Et dans le ciel, vous avez votre subsistance et tout ce qu'on vous promet. Le bédouin a entendu ce verset. C'est des Arabes très éloquents. Ils comprennent l'arabe, la langue du Coran. Il lui a dit, A'idha Ali. Il lui a dit, répète ce que tu viens de dire. Il lui a dit, il lui a dit, qu'est-ce que cela? Il lui a dit, c'est le Coran, la parole d'Allah. Il lui a dit, c'est le Coran, la parole d'Allah. Il est descendu de son chameau. Il a pris son chameau, il a dit, Bismillah, il l'a sacrifié, il a donné la viande aux pauvres. Il a dit, il a répété ce verset, et ce verset, il a pénétré son cœur. Il a su qu'Allah Azza wa Jalla toute sa vie allait lui donner sa subsistance, donc ça ne sert à rien de garder. Chaque jour j'ai ma subsistance, c'est garanti par qui? Par Allah. Ou dans le Coran. Khalas. Il a sacrifié un chameau. Il a sacrifié la bête la plus chère, où il y a le plus de viande. Wahaka. Ensuite cet homme-là, ou un autre, il était dans Tawaf, ou bien il était à Mecca. Il a resté ce verset. Un homme lui a dit, qu'est-ce que tu dis là? Wafis sama ilizrukum wa matu'adun, c'est le Coran al-Karim. Alors il a pris son argent et il l'a dépensé pour les pauvres. Allez, un verset. Donc il faut délaisser le travail dans le haram. Il faut enlever cela et avoir la certitude qu'Allah Azza wa Jalla va t'accorder ta subsistance. Et il faut se repentir des péchés commis en pensant qu'on va augmenter nos richesses. Al-mal-mal-Allah. La richesse, c'est la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il la donne à qui il le souhaite subhanahu wa ta'ala. Les salawat ont été enseignés au prophète alayhi salatu wassalam avec leur temps. Jibril alayhi salam est venu un premier jour et lui a montré à prier chaque salat au début du temps. Et le deuxième jour, chaque salat à la fin du temps. Et il lui a dit, entre ces deux temps-là, tu fais la salat. Entre ces deux temps-là, tu fais la salat. Non. Comme c'est Ibn Hadi ibn Abbas et d'autres, dans le recueil d'Abu Daoud et Tirmidhi et d'autres, radiallahu anhum. Donc le temps du Fajr, c'est lorsqu'on sort de la nuit, jusqu'avant la sortie du soleil. Donc, lorsque l'aube arrive, on sort de la nuit, n'est-ce pas? On sort de la nuit noire, et on n'entre pas directement dans le jour ensoleillé, n'est-ce pas? Donc ce laps de temps, c'est le temps du Fajr, quand on sort de la nuit. Avant quoi? Avant que le soleil ne sorte. Ça, c'est le temps du Fajr. Ça, c'est le temps du Fajr en général. Ça dure environ un peu plus d'une heure. 1h05, 1h10, 1h15, 1h40. Le temps du Dhuhr, il commence au zénith. Le temps du Dhuhr, il commence ila zawal al-shams. C'est, il commence au zénith. Et wa kana dhillu ar-rajul katuli. Jusqu'à ce que l'ombre de la personne atteigne donc la même taille qu'elle-même, yani lorsque l'ombre de la personne est équivalente à sa propre personne. Donc du zénith. Ensuite, ça arrive jusqu'au moment où l'ombre de la personne est équivalente à la chose elle-même ou la personne elle-même. Le asr arrive ensuite. Le temps du asr, tant que le soleil ne jaunit pas à son maximum et que le soleil ne se couche pas. Le temps du maghrib, c'est lorsque le soleil se couche. Le cercle rond, lorsqu'il se couche. Malgré qu'il y a encore les lueurs, n'est-ce pas? Il y a les lueurs rouges. Ça, c'est le temps du maghrib. Lorsque les dernières lueurs rouges disparaissent totalement et qu'on entre dans la nuit noire, ça, c'est le début du temps du Isha. C'est le début du temps du du Isha. Et son temps s'arrête après la moitié de la nuit. Arrivé à la moitié de la nuit, c'est le dernier moment où tu peux faire l'Isha. Donc lorsque tu finis cette salat, le temps est arrivé. Donc après la moitié de la nuit, ou si vous voulez on dit à la moitié de la nuit, c'est le temps de la fin, ou c'est la fin du temps du Isha. C'est la fin du temps du Isha. Wahakana. Ça c'est pour les horaires de salat. La huitième condition, istiqbal al-qibla, le fait de se mettre en direction de la qibla. Comme dans le verset 144 de sourate al-Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qad nara taqalluba wajhika fi as-sama. Naam, le prophète sallam dans un premier temps avait l'ordre de se tourner vers Masjid al-Aqsa à Jérusalem. Puis il voulait qu'on abroge cela et qu'on l'oriente vers al-Ka'ba, comme c'était la qibla de ses ancêtres, Ibrahim alayhi salam. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر مسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الله عز وجل lui a ordonné désormais de se diriger vers le Masjid al-Haram. Donc le Qibla c'est la Kaaba. Celui qui est en face et ou qui la voit a l'obligation de se diriger exactement vers elle. Celui qui est en dehors de la mosquée, il a l'obligation de se diriger en direction de la mosquée. Et celui qui ne voit pas cela, en direction de la Mecque. Celui qui ne voit pas cela en direction du pays. El Qibla, c'est donc, ça n'est donc pas un point, mais c'est une direction. C'est une direction. Il a donc un champ de marge comme erreur. Tant qu'il est dans la bonne direction, c'est bon. Mais s'il est à l'opposé, c'est pas valable. On va dire que la Qibla, c'est par exemple ce verre-là, en direction de ce verre-là. S'il se trompe, tant qu'il est dans la direction, c'est bon. Tout ça, c'est bon. 30 degrés à droite, ou bien 30 degrés à gauche, ou 40, tout ça, c'est bon. واضح طيب jusqu'à là. Par contre, s'il se trompe complètement et qu'il est carrément à gauche de la Qibla ou dos à la Qibla, à ce moment-là, il s'est trompé. Et à ce moment-là, il s'est trompé. Non. Ça ne lui sera pas excusé, sauf dans certains cas infimes. Dans le cas contraire, il devra refaire cela. Donc la personne a l'obligation de se mettre en direction de la Qibla si elle en a là capacité. S'il ne connaît pas la Qibla, il n'a pas le droit de faire un effort comme ça, il se dit ah ça doit être par là et il prie. Non. Il doit demander aux gens de l'endroit. Il doit se renseigner. S'il peut, avec les moyens scientifiques, s'il a une boussole ou son téléphone ou autre. Dans le cas contraire, il demande où se lève le soleil. D'où se lève le soleil. Non. Où il se repère. Dans tous les cas, il fait le maximum pour trouver la Qibla. Mais dans le cas où il est seul, il ne peut demander à personne, il est en voyage, il a peur que le temps sorte, il n'y a que dans ce genre de cas-là où il priera. Non. Comme il le pourra. Il priera comme il le pourra. Et là, dans ce cas-là, oui, il sera excusé. Mais la personne qu'il ne sait pas, et ensuite elle se trompe, et elle dit « je ne savais pas, je me suis trompé », c'est pas valable. Comme c'est la fatwa de l'Ejna Da'ima. C'est pas valable. Après avoir su, il doit la rattraper. Parce qu'il avait la capacité de demander. Il avait la capacité de le demander. De demander à son sujet. Mais dans le cas qu'on a cité avant, lui, khalas, il est excusé. Il n'avait plus de choix, il a fait la salat. C'est valable. Même si plus tard, il apprend qu'il s'est trompé de qibla. Il n'a pas à la rattraper. Il est excusé. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ قِنَا اللَّهُ تَنْكُ vous pouvez. Et lui, il a fait son possible. رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا النَّسِينَ وَاخْطَعْنَا وَهَاكَذَا. Ça, c'est pour les prières obligatoires. Ça, c'est pour les prières obligatoires. Quant aux voyageurs, dans un nafila, le Prophète sallam, sachez qu'il était sur sa monture la nuit, en voyage, il se mettait en direction de la Qibla, il disait Allahu Akbar, il faisait Takbir al-Ihram, puis il ne se souciait plus de la direction entreprise par, empruntée par sa monture. Donc en voyage, si tu es sur la monture, tu te mets en direction de la Qibla, tu dis Allahu Akbar, ensuite tu as le droit de prier même si c'est plus dans la Qibla. Est-ce que c'est compris? Ça c'est pour Nafila, c'est pas pour la prière obligatoire. Et pour le sujoud, pour le ruku, juste tu fais un geste de la tête comme ça. Et pour un sujoud, tu le fais plus prononcé. Plus prononcé. Mais le prophète ne faisait pas cela pour les prières obligatoires comme c'est venu dans le Bukhari Muslim. Quant au hadith où il ne se souciait pas de la Qibla après le Takbiratul Ihram, ça c'est dans le recueil d'Abu Daoud. Ibn Hajar et Ibn Baz, rahmallahu ta'ala, on dit que ce hadith est accepté. La dernière condition, c'est niyya, c'est l'intention. C'est l'intention. Et sa place, mahalluha al-qalb, wa talafudhu biha bid'a. La place de l'intention, c'est où? C'est le cœur. Est-ce qu'on a le droit de dire salatul asr, Allahu akbar, salatul maghrib? Est-ce qu'on a le droit d'informer Allah azza wa jal de quelle prière on prie? Ou Allah c'est tout? Allah c'est tout, subhanahu wa ta'ala, alim, allamul ghuyub. T'as pas besoin d'informer de la salat que tu fais, subhanallah. Tu adores un Seigneur qui est savant, qui est connaisseur du contenu des poitrines, subhanahu wa ta'ala. Donc, an-niyya, c'est dans le qalb. Le prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, innama al-a'malu bin-niyyat. Les actions ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. Il n'y a pas de prière acceptée sans intention. Il y a l'intention de la sincérité, il fait cette prière pour Allah. Et l'intention du discernement, c'est-à-dire que cette prière-là, c'est le voir et c'est pas l'asr. Naam, il distingue par son intention entre les différentes prières effectuées. Voici les conditions de la salat. Voici les conditions de la salat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Un dernier point et on conclut sur cela. C'est ceux qui sont touchés de maladies. Afan Allah wa iyyahu, wa shafan Allah wa shafahu. Ceux qui ont des incontinences ou des écoulements de sang en dehors des périodes menstruelles ou des gaz, des incontinences et ainsi de suite. Ces gens-là, il y a une particularité pour la purification et la salat. C'est quoi? C'est qu'ils doivent attendre l'entrée de l'heure de la prière, puis ensuite se purifier. Donc ils mettent de l'eau sur la partie, ils nettoient, de l'eau sur le vêtement s'il y a une souillure, ensuite ils mettent une protection, puis ils font la salat, par exemple le voile. Ensuite ils peuvent prier tout ce qu'ils veulent jusqu'au asr, tant qu'ils n'ont pas un autre annulatif de el-wudu. Est-ce que c'est compris? Par exemple lui son problème c'est un problème urinaire. Tant que c'est ce problème-là, il n'a pas besoin de refaire le wudu. Il peut prier après voir ce qu'il veut. Mais arrivé au asr, dès que c'est l'entrée de l'heure, il retourne aux toilettes, il se nettoie, il met une protection, il fait l'asr. Naam, est-ce qu'après il peut prier tout ce qu'il veut jusqu'au maghrib? Non, parce qu'après l'asr, on n'a pas le droit de prier jusqu'au coucher du soleil. Et il fait ça pour chaque salat. Il ou elle font ça pour chaque salat. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est le cas de la personne qui a une maladie. Le cas de la personne qui a une maladie, c'est comme ça qu'elle fait la purification, c'est comme ça qu'elle fait as-salat. Et inshallah ta'ala, la semaine prochaine, on étudiera arkan salah, les piliers de la prière et ses obligations, inshallah ta'ala. Donc on a vu aujourd'hui, par la grâce d'Allah azza wa jal, la purification, al-wudu et shurutu salah. Tout le monde doit connaître cela. Tout le monde doit connaître cela. Comme ça, on va savoir maintenant, quand on se trompe dans la salat, comment est-ce qu'on corrige. Si on n'a pas fait un shart, la prière, elle n'est pas valable. On doit corriger le charte, le faire et ensuite revenir dans la salate. Non. Concernant la aura de la femme. La aura de la femme chez elle. Non, la aura de l'homme chez lui, c'est quoi? Ou en dehors, c'est quoi? C'est du nombril au genou. La aura de la femme, c'est ce qu'elle couvre en tenue de maison. D'accord? C'est-à-dire du bas du cou ou du haut de la poitrine. Naam, jusqu'à la mi-mollet ou en dessous. Ça c'est l'espace qu'il faut couvrir. Ouais. Ensuite, la aura de la femme devant. Donc ça c'est chez elle, dans sa famille. Ensuite, donc devant les deux époux, il n'y a pas d'aura. L'homme a le droit de tout voir de la femme, la femme a le droit de tout voir de l'homme. Ensuite, au foyer, on a dit ce qu'était la aura. Ensuite, à l'extérieur, ou lors de personnes étrangères, la aura de la femme, c'est de la tête au pied. Avec la divergence sur le wajh et les mains. et les mains. Naam, hakala. Et dans la salat, certains savants disent qu'elle couvre même les mains. Mais d'autres savants disent qu'elle ne couvre pas les pieds de manière obligatoire. Que le vêtement tombe sur les pieds, c'est suffisant. Quant au fait de mettre en plus des bas ou des chaussettes ou autres, ça n'est pas une obligation. Pourquoi? Ils disent l'absence de preuves particulières. Naam. والله أعلم وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من عمل من قول أو عمل اللهم أصلحنا وأصلح زوجاتنا وذرياتنا يا رب العالمين واهدنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله.